m'en fous de pour le poster. C'est pas pareil, je fais ça quand tu dors. Est-ce que j'y vais, je négocie un seul délit. Il fait croire des bails en ma nuit, il commet des délits. Je suis en vacances dans ma tête, négro, je suis comme Adélie. Il dit ouais, et dans nos rêves. Je suis en jeu, en souhait. Tu m'ennuies, tu me prends la tête, je suis comme en souhait. Tu m'ennuies, tu me dis de la merde, je suis comme non, ouais. Pour changer d'homme, ouais. Raconte pas des trucs à te sombrer, bah, ouais. Il fait croire des bails en ma nuit, il commet des délits. J'suis en vacances dans ma tête, négro, j'suis comme Adélie. Kids.